C'est moi qui, au début de l'histoire de l'homme, d'un coup de dent rageur et mordu dans la pomme, j'ai assisté les loups dans leur messe de sang. Je suis